Moi, je t'offrirai de parler des pluies, venues des pays où il ne pleut pas. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.